Chapitre 7e, les soupçons. Pedro Diaz était monté à Vannes dans un train omnibus. Le brave Texien, qui depuis son enfance était blasé sur les beautés de la nature, prêta peu d'attention au pays qu'il traversait. Cette succession de villes, de plaines, de forêts et de landes couvertes d'ajoncs l'intéressait médiocrement, et il s'endormit, ou plutôt il feignit de s'endormir dans le coin du wagon où il était placé. L'ancien intendant de la Hacienda du Rio Verde réfléchissait aux divers événements qui avaient eu lieu depuis la mort du vieux duc et il les récapitulait dans sa pensée afin d'en tirer une conclusion, une lumière. D'abord, la mort si soudaine de son cher maître et les découvertes terribles du docteur Cavarox. Sur ce point, la clarté s'était faite, le meurtrier était connu. Mais ce misérable Job n'avait pu être que l'instrument d'une main invisible, et le nom de la maîtresse de Don José était venu se placer sous les lèvres de Pedro. Si la créole avait commandé la mort du duc, le même motif avait dû la pousser à vouloir celle de Jean. Ces deux crimes se liaient par une chaîne naturelle. D'un autre côté, Pedro Diaz, à la suite de ses recherches sur la montagne noire, était parvenu à percer le mystère de l'enlèvement nocturne de l'homme endormi. Mais cet homme était-il réellement Don José, qui avait quitté le campement une heure avant l'enlèvement, était parti dans une direction opposée à la montagne. Les péons, il est vrai, avaient affirmé avoir assisté à l'embarquement du duc Jean de Clodion. Mais n'avait-il pas été abusé par la ressemblance extraordinaire des deux frères? Et puis Jean, que le Texien accompagnait en France, n'aurait pas levé le campement de la Roche Noire sans l'avoir fait rechercher. Et l'abandon dont il avait été l'objet lui semblait inexplicable, ou trop significative. Cet abandon cruel s'aggravait encore aux yeux de Pedro par le silence que le jeune duc avait gardé à son sujet. Il n'avait pas écrit une seule fois pour avoir des nouvelles du serviteur le plus dévoué de sa famille, du vieil ami de son père. Enfin, les deux attentats dirigés, presque coup sur coup, sur sa personne à lui, Pedro, lui avaient donné à supposer qu'on avait eu un intérêt puissant à vouloir se débarrasser de lui. Lorsqu'une fois on est entré dans la voie des suppositions, on va, on marche, sans savoir où l'on s'arrêtera. Ce qui la veille semblait impossible devient possible le lendemain. C'est ainsi que Pedro Diaz en était graduellement arrivé à se demander si c'était bien le duc Jean qui s'était embarqué pour la France, lui qui avait épousé Mademoiselle de Croix-Marie. Ce qu'il avait appris au château de Kerdal n'avait fait que fortifier ses soupçons. Le duc Jean ne connaissait pas Carmela. Pour quel motif alors serait-elle d'aller le voir? Enfin, la visite de cette femme, suivie presque immédiatement du départ du mari de Fernande, constitue aux yeux du Texien une preuve morale des plus concluantes. « Oui, se disait-il, tout me porte à croire que je ne me trompe pas, mais la preuve matérielle me manque. J'en sais bien une qui serait irrécusable, la cicatrice que le bâtard porte sur sa poitrine. » Mais en admettant que ce terrible mystère soit complètement éclairci, que devrais-je faire? Si le vrai duc de Clodion vivait encore, ne repousserait-il pas avec indignation la pensée d'un châtiment dont le premier effet serait de frapper une jeune femme innocente? Cette femme va devenir mère. Ai-je le droit, moi, un étranger, d'infliger de ma propre autorité la flétrissure de la bâtardise à son enfant qui ne saurait être responsable des crimes du père? Et ce digne gentilhomme, j'irai jeter l'opprobre sur son nom, l'un des plus grands noms de France. Non, non, je ne le veux pas, je ne le puis pas. On voit, par ce qui précède, que si Pedro Diaz désirait ardemment connaître le dernier mot de l'énigme, il n'avait pris encore aucune résolution sur la conduite qu'il devait tenir, si ses soupçons se trouvaient confirmés. « Je vais jouer, » ajouta-t-il mentalement, « une redoutable partie. Si je ne m'abuse pas, le bâtard a pris la place du fils légitime, et s'il se doute de quelque chose, je suis un homme mort. José et Carmela ne reculeront pas devant un nouveau crime pour cacher les anciens. Il faut donc que je sois plus fort qu'eux, et que je joue vis-à-vis de ces misérables la comédie de l'aveuglement le plus absolu. Ce n'est qu'en agissant ainsi que je pourrai avoir la vie sauve, car je veux vivre, afin de remplir un devoir sacré, et ce devoir est de protéger jusqu'à mon dernier souffle, la pauvre femme qui porte le nom de Clodion et l'enfant qui va naître, si réellement José a pris la place de son frère. » Don José, arrivé à Paris, se rendit à la grande poste où on lui remit une lettre dans laquelle la créole lui faisait connaître sa demeure. Le bâtard se sentit pris de saisissement en apprenant qu'elle habitait, avenue Gabriel, un hôtel contigu à celui que le marquis de Kerdal avait donné à Fernande comme cadeau de noces. « Je vous ai obéi, » lui dit-il en se présentant devant celle qui s'intitulait Madame de San Luco, « et me voici prêt à reprendre notre entretien au point où nous l'avons laissé il y a une vingtaine de jours au château de Kerdal. « Que pensez-vous de mon installation ?» répondit Carmela. « N'est-ce pas que pour une quasi-sauvage que je suis, j'ai bon goût ?»« Oui, » reprit Don José en jetant un coup d'œil distrait sur le riche ameublement du salon dans lequel il avait été reçu. « La location de cet hôtel me coûte 15 000 francs par an. C'est pour rien, vous voyez. En effet, » répartit froidement son ancien adorateur. « Mais revenons, je vous prie, à la question que je vous ai adressée. Laissez-moi d'abord vous faire compliment de votre exactitude. Et quel prétexte avez-vous trouvé pour quitter le château du marquis ?»« L'hôtel qui touche au vôtre a restauré et a aménagé. Ah oui, l'ancienne petite maison de votre oncle. C'est fort ingénieux. » Ainsi donc, vous allez le faire réparer. J'y suis bien forcé, puisque c'est grâce à ce motif que j'ai pu quitter la duchesse. Mais je compte pousser vivement les choses. Afin de vous installer le plus promptement possible, dit Carmela en souriant. Comment m'y installer ? Fit le bâtard avec un geste de surprise. Très cher, reprit la créole. Vous me demandiez, si j'ai bonne mémoire, au moment où nous avons interrompu notre entretien au château du marquis, quelle serait la durée de votre absence ? « Précisément. Vous tenez donc bien le savoir, mais sans doute. Vous avez supposé, et vous supposez encore, je le vois, qu'en vous enjoignant l'ordre de quitter votre femme, j'ai voulu seulement vous effrayer, et que mon intention est de ne passer ici quelques jours en tête-à-tête avec vous, et cette fantaisie satisfaite, de vous rendre à la liberté. C'est vrai. Erreur. J'ai eu d'autres visées. Veuillez me les faire connaître, » dit le batteur de Clodion, qui s'efforçait de cacher son émotion. « Mon cher duc, » répondit Carmela, d'un ton tranchant comme la lame d'un couteau, « vous ne retournerez plus au château de Kerdal. L'adieu que vous avez fait à la duchesse, en prenant congé d'elle, était un adieu éternel. Vous êtes folle !» s'écria José avec indignation. « Ce n'est pas tout, » poursuivit la créole. « J'exige qu'aux yeux du monde, vous passiez pour mon ami intime. Et c'est dans cette intention que je suis venu habiter cet hôtel voisin du vôtre. « Ah, c'est le rôle charmant que vous me réservez !» dit le faux duc en toisant Carmela de la tête aux pieds avec un souverain mépris. « Oui, je sais, » reprit-elle d'un ton de persiflage, « que le sentiment que je vous inspire aujourd'hui n'est pas précisément de l'amour. Mais que m'importe ? Je n'exige de vous qu'une seule chose, c'est que vous fassiez semblant d'être amoureux de moi. Cela m'est d'une indispensable nécessité pour l'accomplissement du projet que j'ai formé. » Le bâtard, malgré la tempête qui grondait au fond de son cœur, fut tellement abasourdi par ces paroles qu'il demeura sans voix. « Ainsi, cette affaire convenue, » ajouta la créole, « vous jouerez près de moi la comédie de l'amour, et vous viendrez dîner chez moi 3 fois par semaine. Et si je refuse, » dit Don José en regardant fixement Carmela, « vous ne refuserez pas. Vous croyez ? J'en suis certaine. » « Non, très chérie, voici pourquoi. Si vous prenez fantaisie de refuser, je ferai tout simplement connaître la duchesse qui vous êtes, et cette fois, ce ne serait plus vous qui romprez en bisière avec elle afin de m'obéir, mais elle qui rompra avec vous. Comprenez-vous, enfin ? Parfaitement. Mais si, ici, sous vos yeux, je me tuais, vous ne vous tuerez pas. Ne m'en défiez point. Vous ne vous tuerez pas, mon pauvre José, répéta lentement la créole. Car vous adorez votre femme, et quoi que je vienne de vous dire, et quoi que je fasse, vous conserverez sans cesse au fond du cœur l'espoir de pouvoir un jour vous rapprocher d'elle. » Ces paroles étaient en si parfait rapport avec les pensées secrètes du faux duc de Clodion qu'il ne trouva rien à répliquer. Il était complètement anéanti. Carmela savoura pendant quelques instants son triomphe avec une volupté de bête fauve qui étreint sa proie, puis elle sonna. Une femme de chambre parut. « Rose, » lui demanda-t-elle, « ma couturière est-elle venue ?»« Elle attend madame dans son boudoir depuis un grand quart d'heure, » répondit sa camériste. Madame de San Luco tendit sa blanche main à José, qui n'était pas encore sorti de son anéantissement. « Au revoir, chère, » lui dit-elle, « n'oubliez pas que vous dînez demain chez moi, et qu'après dîner, vous me conduisez à l'opéra. » Le bâtard, comme réveillé en sursaut par ces paroles, la regarda d'un air hébété et se retira silencieusement. Son cerveau était en feu, et il avait le désespoir dans le cœur.